Christ, Ndikomanyanga. François Kiman est de l'autre côté de la vitrine et bienvenue à ce journal dont voici d'abord la charpente. Le Burundi est appelé à mettre en avant le dialogue pour éviter que le pays retourne dans des crises du passé. Une recommandation de Laurence Nguendakumana qui fut président de l'Assemblée nationale après les indignations de certains responsables des partis politiques qui n'ont pas été consultés avant la mise en place des membres de la nouvelle commission électorale nationale indépendante. La majorité de la population burundaise n'est pas au courant du déroulement des opérations en sécurité et protection sociale. Propos d'Emmanuel Miburo, directeur général de l'INSS ce lundi lors d'un atelier de formation des magistrats en matière de la protection sociale. Et les conséquences suite au manque des produits pétroliers se font sentir sur tout le territoire national en général. À Bujumbura en particulier, la capitale économique, la population fait face au manque du charbon de bois. Bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons ce journal par la page sécurité. Les habitants de Gihanga en province Bubanza disent avoir passé la nuit dernière dans une peur panique suite aux explosions et tirs nourris qui ont été entendus aux environs de la route Bujumbura-Rugombo. La RN5, le bilan serait d'une personne tuée, une autre arrêtée, la RN5 endommagée par une explosion. Au niveau de l'administration, confirme les faits et on précise que c'était des malfaiteurs qui voulaient couper la RN5. Les états avec Space Caritas Cavagnan. Une personne est tuée, une autre arrêtée. Une partie de la RN5, la route nationale numéro 5 qui va de Bujumbura à Rugombo, endommagée. Tel est le bilan d'une attaque perpétrée au cours de cette nuit à Gihanga sur la RN5. Les habitants de Gihanga disent avoir passé la nuit dans une peur panique suite aux explosions et tirs nourris entendus aux environs de minuit passé. Selon des sources administratives, la personne est morte tombée dans cette attaque. Alors qu'il était de passage, l'autre arrêté a rencontré les forces de l'ordre en intervention et il est détenu pour le moment pour des raisons d'enquête selon la même source. Une partie de la route, la RN5, a été sérieusement endommagée à quelques 10 mètres du pont de la rivière Kajeke, comme nous l'avons constaté, visiblement par une explosion. Les ouvriers de Sogeas Atom étaient déjà sur place ce lundi matin pour réparer la partie endommagée. Le gouvernement de la province de Bubanza fait savoir que ces malfaiteurs voulaient couper la circulation sur la RN5 et que les enquêtes sont en cours pour pouvoir les identifier. Spécialitas Kabanyana, Gihanga, Radio Isanganiro. De Bubanza, cap sur Burundi où 13 jeunes dont une fille qui s'était présentée ce lundi à l'école des sous-officiers militaires de Burundi pour passer un test intellectuel donnant accès à l'école des sous-officiers de la police sont locataires du cachot du commissariat provincial de la police à Burundi. Depuis l'après-midi de ce lundi, colonel de police Albert Nirambeba, un des envoyés du ministère de l'Intérieur à ce centre de passation de ce test fait savoir que ces jeunes sont poursuivis pour falsification de leur carte nationale d'identité. Certains au niveau de leur nom, d'autres au niveau de l'année de naissance. Une infraction punissable par la loi. Il appelle d'autres candidats pour les prochains recrutements à éviter ces cas de tricherie sur 360 candidats qui s'étaient fait inscrire dans la province Bururi, 64 dont ces 13 emprisonnés, 24 absents et 27 dont leur dossier était incomplet n'ont pas pu passer ce test de mathématiques et français. Une courte pause. Isanganiro. Page politique à présent, le Burundi est appelé à mettre en avant le dialogue pour éviter que le pays retourne dans des crises du passé. Une recommandation d'un ancien président de l'Assemblée nationale après les indignations de certains responsables des partis politiques qui n'ont pas été consultés avant la mise en place des membres de la nouvelle commission électorale nationale indépendante CENI, approuvée par le Parlement la semaine passée. Léon Senghenakoumana rappelle qu'avant la constitution actuelle, les consultations avaient débouché à ce que les processus électoraux soient caractérisés par un environnement susceptible de préserver la paix. Suivez Léon Senghenakoumana dans ses propos recueillis par Alain Désiré Boukenèze. Il y a des partis politiques qui disent qu'ils n'ont pas été consultés. Il y a des partis politiques qui disent qu'ils ont été consultés, mais que ces consultations ont abouti à ce que nous avons vu par manque de respect des compromis qui s'étaient donnés. Et j'entends également les membres de la société civile qui se lamentent comme quoi ils n'ont pas été consultés. Certainement que même les confessions religieuses ou les médias n'ont pas été consultés sur cette question, alors que c'est une question qui engage tout le peuple burundais. Une question qui va dans le sens de changer les programmes des partis politiques, le programme d'abord du gouvernement, les programmes des partis politiques, le changement des institutions, des dirigeants, de la base au sommet. Ce n'est pas une question qui doit être traitée uniquement par le parti au pouvoir. Cette voie de consultation n'a pas été suivie, cette voie de dialogue n'a pas été suivie. Et c'est dommage qu'on commence la préparation et l'organisation de ces élections de cette manière, eu égard aux difficultés, aux problèmes que nous connaissons aujourd'hui dans le pays. Alors, qu'on commence à l'Assemblée nationale ou au Sénat, ou qu'on commence au Sénat ou à l'Assemblée nationale, ça m'est égal, pourvu qu'on mette en musique, en application, ce qu'on s'est convenu. Si ce qu'on s'est convenu est appliqué et respecté, il n'y aura pas de plainte, il n'y aura pas de grogne. Les grognes proviennent du fait que, pour ceux qui ont été consultés, on n'a pas respecté le compromis qu'on s'est fixé. Ils ont raison parce que la conclusion a été que nous devons faire recours au dialogue national pour la résolution du conflit burundais, pour la résolution des crises burundaises, pour la prévention et la gestion des crises. C'est la seule et unique voie qu'on s'est convenu, en sachant effectivement que même les partis politiques, la société civile, les médias, les confessions religieuses ont des responsabilités probablement à des niveaux divers pour la stabilité du pays. C'était Léon Senghenakoumana, ancien président de l'Assemblée nationale. La majorité de la population burundaise n'est pas au courant du déroulement des opérations à l'INSS en ce qui est protection sociale. Propos d'Emmanuel Miburo, directeur général de l'INSS, ce lundi lors d'un atelier de formation des magistrats en matière de la protection sociale. Il signale que même les magistrats n'ont pas assez de connaissances en ce domaine, alors que les abonnés saisissent ces instances judiciaires en cas de mésentente avec l'INSS sur le traitement de leurs dossiers. Les détails avec Jean-Marie Mayonka. Cette formation à l'intention des magistrats en matière de la protection sociale avait pour but le renforcement des capacités dans ce domaine, puisqu'il a été constaté que la grande partie de la population burundaise n'est pas bien informée sur la protection sociale. De même, certains dossiers des affiliés sont maltraités par des agents de la justice parce qu'ils n'ont pas assez de connaissances dans le domaine de la protection sociale. Le secrétaire permanent au ministère de la Justice, Poncier Hatungimana, dans son discours, a précisé que cette formation vient au moment opportun pour aider les magistrats, des fois qui ne traitent pas les dossiers en rapport avec la protection sociale comme il faut. Emmanuel Miburo, directeur général de l'INSS, de son côté, a expliqué qu'ils ont pensé à organiser la formation à l'intention de ces agents de la justice parce qu'il a été constaté qu'il y a des lacunes lors des traitements des dossiers en matière de la protection sociale. Nous sommes en train de renforcer leurs capacités, leurs connaissances en matière de la protection sociale et pour qu'ils puissent s'acquitter convenablement de leurs tâches, puisque nous avons constaté qu'il y a des lacunes justement liées à la manque de connaissances suffisantes en matière de la protection sociale. Nous l'avons constaté, mais aussi ils ont exprimé ce besoin d'être formés et d'être renforcés en matière de la protection sociale. Cette formation a vu la participation de 76 magistrats venus des différentes instances juridiques du pays et va durer 4 jours. Merci à Jean-Marie Mayonga pour tous ces détails. Des retards énormes dans le recrutement du personnel sont constatés au ministère de la Santé publique selon le rapport de la Cour des comptes. Lors de l'analyse de ce rapport vendredi à l'Assemblée nationale, des députés s'en sont inquiétés vu que ce secteur enregistre un manque du personnel chaque année. Sur ce, Daniel Gélaz Ndabirabe, président de l'Assemblée nationale, a indiqué que ces retards font suite aux recherches d'intérêt de certains membres des commissions ad hoc. De son côté, le ministre de la Santé, Dr Lidwine Baradana, a affirmé que ces lacunes vont être corrigées, annonçant par la même occasion un recrutement cette année de 160 personnes. Les États avec Miri Kanyang. Ce retard entre la date de promulgation du budget de l'État et la date de recrutement au ministère de la Santé est de 6 à 9 mois selon la Cour des comptes, ce qui inquiète les élus du peuple vu que le ministère de la Santé accuse chaque année un manque de personnel. Un problème qui me tient à cœur est relatif au recrutement au ministère de la Santé. L'État fait tout pour autoriser le recrutement chaque année, puisque c'est un secteur très important. Mais l'on voit qu'il y a des retards d'une moyenne de 7 mois. Vous comprenez que l'année budgétaire peut se clôturer sans avoir recruté. Moi, je trouve que ce retard est énorme. Il faudrait qu'il y ait suivi au niveau de la commission et voir s'il y a lenteur, ainsi dégager les besoins. Ces inquiétudes sont également partagées avec le président de l'Assemblée nationale, Daniel Gélaz Ndabirabe, qui parle des intérêts pécuniers recherchés par des membres des commissions lors de l'analyse des dossiers. Quand vous évoquez le recrutement ou les marchés publics, l'on comprend les dessous. En général, au gouvernement, les dossiers traînent parce que ceux qui analysent ces dossiers le font en officiel et en officieux. L'officieux, c'est ce qui provoque ces lenteurs. L'on regarde les intérêts individuels. En réaction, le ministre de la Santé, Dr Lidwine Baradahana, reconnaît cette lacune, mais promet que cela va être corrigé. Oui, nous aussi voyons que ça ne nous honore pas. Nous voudrons que ça change pour que le recrutement du personnel se fasse en même temps que le ministère de l'Éducation au mois de juillet avec l'adoption du budget de l'État. Elle annonce en outre le recrutement de 160 personnes, 130 sages-femmes, 15 radiologues et 15 anesthésistes au cours de cet exercice budgétaire. Ce rapport de la Cour des comptes sur 4 ans a en outre montré que l'état d'avancement de la construction des hôpitaux de Nyabikere, Busoni et Vumbi est de moins de 45%. Vous n'avez pas Isanganilo? Vous ratez l'essentiel. L'actualité continue sur Isanganiro. Le bureau burundais de normalisation BBN n'a pas de certification comme celui des pays internationaux. Des inquiétudes soulevées par des députés, surtout pour la compétitivité des produits nationaux aux marchés internationaux. Chantal Nijimbere, ministre du Commerce, l'invité de ce lundi au palais de congrès de Kigobe, indique que le ministère est à l'œuvre afin d'avoir cette certification. Une information que nous devons à notre consoeur Lydie Gahimbare. 91% des produits commerciaux consommés dans les pays membres du marché commun d'Afrique orientale et australe, dénommés COMESA, proviennent de l'extérieur de cette communauté. Cette dernière importe plus qu'elle n'importe. Qu'elle n'exporte plutôt, ceci ressort du premier forum regroupant les pays membres du COMESA sur la promotion du commerce intra-COMESA tenu ce lundi à Bujumbura. Selon Denis Chimilimana, secrétaire général de la Chambre fédérale du commerce et de l'industrie du Burundi, CFCIB, indique que les pays membres doivent d'abord relever les défis liés aux infrastructures, les équipements et la demande de visa à l'entrée de cette zone d'échange pour renverser cette tendance. Suivez-le au micro de Raïssa Didiane Namahor. À l'intérieur des 21 pays qui forment le COMESA, le commerce intra-COMESA est de 8,5%. Les importations des 21 pays du COMESA à l'extérieur de la zone COMESA représentent 91,5%. Vous comprenez que le chemin à parcourir est encore très long. Donc nous devons améliorer cette situation. Et ça veut dire que l'Afrique dépense des centaines de milliards de dollars chaque année pour acheter des produits à l'extérieur de l'Afrique. Alors, pourquoi ne pas identifier des produits potentiels de bonne qualité et moins chers à importer de la zone COMESA? Donc, il faut saisir cette perche qui nous est tendue. Mais, évidemment, il y a des barrières, il y a des obstacles. Le transport aérien coûte cher. Les routes ne sont pas développées. Bujumbura, Kinshasa, par route, c'est impossible. Bujumbura, Kisangani, par route, c'est impossible. Bujumbura, Lubumbashi, par route, c'est impossible. Donc, tant que les voies ferrées et les routes ne sont pas là, en gros, les infrastructures, ce commerce intra-COMESA va rester longtemps en rêve. Nous sommes au centre de gravité de cette zone COMESA. C'est un avantage. Nous estimons que le potentiel, dans un premier temps, reste dans l'agriculture. Ça veut dire essentiellement les fruits et légumes, mais aussi les produits transformés, n'est-ce pas, que le Burundi pourrait exporter vers la région. Quelques brèves avant la chronique sportive. Un passager à bord d'une moto va désormais payer les deux tiers du ticket auparavant partagé entre trois passagers à bord d'une même moto. Cette mesure a été prise au terme d'une réunion présidée par le gouverneur Durumonge à l'endroit des motards opérant dans cette province ce lundi. C'est après des lamentations des passagers, surtout se faisant Rumonge Buyengero, qu'ils paient excessivement cher depuis que la mesure réprimant le mauvais chargement est scrupuleusement respectée dans cette province du sud-est du pays. La pénurie de charbon de bois s'observe dans différents quartiers de la capitale économique Bujumbura, là où la radio-télévision Isanganiro a passé au quartier 4, et c'est en zone Ngagara. Le point de vente était vide ce lundi et selon le vendeur, cette pénurie est liée à la pénurie du carburant. Une des mères habitant cette localité indique que cela fait que le prix de ce combustible monte là où on le trouve. La population s'inquiète de cette situation et demande à l'État de trouver solution durable à ce problème de manque de carburant. Radio Isanganiro, chronique sport. Le manque d'infrastructures d'entraînement modernes et les moyens de transport sont certains défis auxquels font face le métier de coaching en athlétisme au Burundi. Pour trouver solution à ces problèmes, Adolphe Rukenganya, enseignant des entraîneurs d'athlétisme, demande au gouvernement de mettre en place une politique nationale des sports qui pourrait contribuer à l'évaluation de différentes disciplines sportives au Burundi. Les détails dans cette chronique sportive avec Jean-Marie Vianney Ngendakouman. Le manque des infrastructures sportives de qualité est un défi majeur qui hante le métier de coaching en athlétisme. Cela empêche les entraîneurs de connaître la distance exacte à parcourir pour chaque discipline lors des séances d'entraînement. Explication d'Adolphe Rukenganya, formateur des entraîneurs en athlétisme. Il y a beaucoup de défis et ceci va varier évidemment en fonction des pays. Et si je prends l'exemple de